Alors l'actualité chez nous à présent, avec 8 jours après cette grande mobilisation à Bruxelles, les syndicats rencontrent ce soir le gouvernement fédéral pour reparler du dossier des fins de carrière. Pas de renégociation du pacte en vue, mais des discussions sur les modalités d'application des mesures. Le gouvernement rencontrera aussi les organisations patronales avant de couler le projet fin de carrière en texte de loi. Les représentants syndicaux devraient savoir ce soir s'ils ont suffisamment de marge de manœuvre pour satisfaire leur base. Explication Bertrand Haine. Avoir suffisamment de marge de discussion pour satisfaire leur base. Voilà ce qu'attendent les syndicats. Ils ne parlent plus ouvertement d'une renégociation du pacte entre les générations et marchent sur des œufs, tant l'issue d'un bras de fer avec le gouvernement paraît aléatoire. Le contexte politique n'est pas favorable aux socialistes, affaiblis par les affaires en Wallonie et divisés en interne sur la ligne à adopter par rapport à la FGTB. Ce qui fait dire au secrétaire général de la CSC, Jocely Piette, qu'une chute du gouvernement sous la pression de la rue pourrait ouvrir une boîte de Pandore, avec au bout peut-être un retour aux affaires du CDNV dont les positions sont pires, dit-il, que celles du SPA ou du VLD. Résultat, on va sans doute jouer sur les mots dans les heures et les jours à venir. Le gouvernement veut bien discuter des modalités, notamment au sein du Conseil national du travail, un conseil qui doit se prononcer sur les professions lourdes qui bénéficieront d'un régime d'exception à la règle de la prépension conventionnelle à 60 ans et 38 ans de carrière. Cette seule marge sera sans doute insuffisante pour satisfaire la base. Les syndicats espèrent donc bien trouver d'autres espaces de dialogue sur les prépensions en cas de restructuration, par exemple, ou sur le crédit temps. Et les heures sont comptées. Le Premier ministre et le ministre des Finances s'envolent demain pour l'Asie. Et puis, mardi, les syndicats évalueront et trancheront entre discussion et épreuve de force. Alors, Pierre Kroll, le dossier des fins de carrière, il vous a inspiré. C'est un dossier qui n'est pas très neuf. Hein. Il devra encore vous inspirer puisque demain, eh bien, sachez que le débat de mise au point en télé sera précisément consacré aux fins de carrière. Mise au point, c'est sans doute un exercice un peu particulier puisque vous faites vos dessins en direct. Là, il faut vraiment avoir l'inspiration immédiate. Hein. Oui, c'est... Vous êtes gentil de le rappeler parce que je fais ça depuis tellement longtemps. Avant mise au point, c'était... Ouais, ça fait 20 ans, quelque chose comme ça. Oui, il y a eu un an ou deux d'interruption. Mais oui, ça fait une vingtaine d'années que je me suis fait une spécialité de dessiner en direct dans des débats. Et c'est vrai qu'il y a, je suis mal placé pour le dire moi-même, enfin un côté un peu exploit, sportif, comme ça, auquel on s'est tellement habitué qu'on ne prête plus beaucoup attention. Mais très honnêtement, je ne prépare pas mes dessins. Je connais comme vous le thème du débat de demain. Je ne sais pas qui est invité. Mmh. Et j'aurai une conversation ce soir ou demain matin avec Olivier Marois et c'est tout. Et je ne dessine pas au préalable chez moi. Il faut dire que si je ne suis pas inspiré lorsque une dizaine de personnes spécialistes d'une question sont là pour en parler, il n'y a pas de raison que je le sois plus facilement chez moi au calme tout seul. Donc la seule chose à faire, c'est de gérer un certain stress et de dessiner très très vite et de chercher des idées très très vite. Mmh. Mais je le fais pendant une heure, je ne saurais pas le faire pendant trois. Hein. Ouais.